c'est la MyFi. It's a new day, it's a new life. I'm bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 11 février 2022, il est 22h à Montréal et vous êtes pile à l'heure pour votre rendez-vous avec la plus belle actualité des musiques de notre époque. Ce soir, nous poursuivons et clôturons notre triptyque sous le thème « Depuis que nous nous sommes quittés », soit une sélection de ce qui nous a fait le plus vibrer depuis que nous nous étions absentés des ondes FM. Après le hip-hop et ses multiples variants il y a deux semaines, après les musiques hybrides et leurs multiples croisements la semaine passée, nous allons nous pencher ce soir sur des genres plus classiques, du rock au folk et quelques-uns de leurs plus beaux dérivés aux accents plus modernes et pop. Vous êtes sur les ondes de CISM au 89.3 FM, bienvenue dans la MyFi. De ce nouvel épisode de La MyFi avec un band de Staten Island et sa mixture instrumentale unique composée d'afro-soul et de rock western et pimentée par quelques pincées de psychédélisme 70s. Nous venons de quitter Long in the Tooth, titre d'ouverture de l'album du même nom, sixième et dernier long format paru en 2020 du toujours parfait The Buddha's Band. On enchaîne et on s'enfonce un peu plus dans des contrées énervées dominées par le règne des six cordes électrifiées. On s'arrête tout de suite sur un des plus beaux représentants d'un sous-genre qui survit tant bien que mal au temps, et je n'aurais pas parié cher si l'on m'avait prédit que ma médaille d'or des meilleurs singles de 2019 allait venir du shoegaze. Nous écoutons Blankenship, single absolu issu du troisième et dernier long format du quintet brooklynois Dive. Just to buy, don't lie. set the table and the silverware, and all you've got is 100 yard stare. So look back at me and finish your food with an appetite and some gratitude. We set the table and the silverware and gave you those clothes that you don't want to wear, but as long as you plan to stay alive, you gotta honor your parents. That's number 5. Give me all your children and I'll show them how to congregate. All we need are mouths to feed, so pass around the dinner plate. Give me all your money and I'll open up the pearly gates. What's food for thought when all you've got is something to regurgitate? So now that you're taller and now that you've grown, you can build a table all on your own, and with whomever you decide to be, make sure she makes you up a family. We set you up a resting place and your giant block of marble awaits, and we broke you open an ATM, but don't get greedy, that's number 10. Give me all your children and I'll show them how to congregate. All we need are mouths to feed, so pass around the dinner plate. Give me all your money and I'll open up the pearly gates. What's food for thought when all you've got is something to regurgitate? Taller, now that you're grown, you can build a table all on your own, and with whomever you decide to be, make sure she makes you up a family. We set you up a resting place and your giant block of marble awaits, and we broke you open an ATM, but don't get greedy, that's number 10. Give me all your children and I'll show them how to congregate. All we need are mouths to feed, so pass around the dinner plate. I'll open up the pearly gates. What's food for thought when all you've got is something to regurgitate? Give me all your money and I'll open up the pearly gates. Give me all your money and I'll open up the pearly gates. Give me all your money and I'll open up the pearly gates. What's food for thought when all you've got is something to regurgitate? Une demoiselle d'Atlanta qui n'aura cessé de nous séduire depuis son premier album homonyme sorti en 2017 jusqu'à son dernier jet paru au printemps 2020, un simple 2 titres, 2 covers dont le choix nous avait autant surpris que grandement réjoui, 2 benfards de notre parcours musical personnel, les Clash et les Beastie Boys. Elle va apporter sous peu une nouvelle pierre à son édifice, un prochain album qui devrait arriver en mars, et nous venons d'écouter un extrait de son second et dernier LP en date intitulé Satisfaction. C'était Mathiel Brown, plus connu sous le simple prénom de Mathiel. Juste avant elle, nous sommes passés par un trio punk digne de l'époque avec Outsa, court et intense titre d'ouverture de leur Sophomore Effort paru en 2020. C'était les Torontois The OBGMs, initial pour signifier Oh Baby Gimme Mores. On poursuit l'aventure, toujours guidé par la dominante de 6 cordes auquel on pourrait maintenant couper l'électricité. On pénètre en terre folk mais non moins contemporaine avec 3 exemples. Exemple différent et représentatif de l'excellente santé du genre qui continue de confirmer en beauté son caractère éternel. On amorce la balade avec un quatuor de Brooklyn qui a fait paraître 2 albums en 2019 et qui s'apprête à leur donner une suite prévue pour la semaine prochaine. Voici UFOF, pièce issue du 3e album homonyme de Big Thief. Again, polarized, polarized. It's already like a date, he said. Show the ferret to the egg, I'm not getting let alone. The barrel, it's already dead. I know you have the dove, I'm not getting wet. The barrel, looks like a date is set. Show the ferret to the egg, I'm not getting let alone. Thank you. ambiance road trip post-rodéo aux côtés d'une demoiselle aujourd'hui installée dans le désert de New Mexico qui a grandi dans l'Idaho entourée de chevaux et qui a justement travaillé longtemps pour un rodéo ambulant avant de prendre la route avec une autre forme de troupe, celle qui l'accompagne désormais autour de son projet folk pop à tendance expérimentale. C'était Erin Burgi, alias Megabug, avec Diary of a Rose, extrait de son 4e album en carrière auquel elle a apporté une suite l'année dernière. Elle était précédée d'une artiste néo-zélandaise dont on suit la moindre mimique oblique depuis que nos chemins se sont croisés en 2017 avec son second LP. Elle sera de retour le mois prochain avec un 4e album qui fera suite à l'excellent Designer par lequel nous venons de passer, 3e album de facture folk plus classique que le précédent et qui s'était néanmoins installé à la 3e place de nos meilleurs albums de 2019. C'était Aldous Harding. On reste en mode chanson et on dérive maintenant légèrement vers des eaux plus mêlées avec la grâce du Californien Moses Sumney et son double album de 2020 sorti en deux parties distinctes dans lequel se cache le splendide et choral Bless Me. It's so predictable to find the parable from every tête-à-tête. But when you see the end in every beginning, lessons are all you get. Bless me before you go. You're going nowhere with me. Met you in the wrestling pit. You came when I needed it. A body on top of me to teach me. Stayed up past the witching hour. Show me secret powers. I wish that mine could freeze time. Bless me before you go. You're going nowhere with me. Bless me. Get alchemy, arrows, oh god of flames, sees the beauty in all things as the base, as stupid does. I grasp your cloak because maybe you'll grant me wings if I you. kiss me before you go. No eyes closed, no drops in the glass. aujourd'hui la dernière parution discographique où ce producteur de talent était également acteur du projet, et ce fut accessoirement la médaille d'argent de nos meilleurs albums de 2019, un autre disque de grande tenue dans une discographie qui recèle de moult joyaux toujours issus de brillants accouplements, et la liste des prétendants est un brin imposante, de MF Doom à Sparkle Horse en passant par Silo, Damon Albarn, Beck, The Black Keys, Portugal The Man, A$AP Rocky, Jack White, Norah Jones, Run The Jewels, James Mercer, Parquet Courts, mais aussi jusqu'au Red Hot Chili Peppers, U2 ou encore Adele. Nous venons de quitter Lux Prima, pièce issue du projet du même nom réunissant le timbre féminin des Yeah Yeah Yeahs, Karen O, avec le fameux Danger Mouse. Ils étaient précédés par l'émouvante mélancolie orchestrée de Margot Sauvé, demoiselle de Québec qui vient juste de faire paraître en début d'année son premier LP après une série de singles et EP amorcés en 2015. Nous nous sommes arrêtés sur Call My Name, extrait du troisième et avant-dernier EP paru en 2020 de Ghostly Kisses. On poursuit tout en chansons d'aujourd'hui, nourrie un peu plus encore aux nouvelles technologies, avec la belle échappée en solitaire du leader de Youth Lagoon, band auquel il mit fin après trois albums pour revenir sous son propre nom en 2018 avec ce premier LP qui connaîtra une suite en 2020, mais en moins bien. Nous écoutons Cladding Skin, extrait de Mulberry Violence, premier long format de Trevor Powers. Time. document in its place. yourself to think, see where you are as you begin to sink in your mirror, in your mirror, in your mirror, in your face. Iconique de la mélancolie faite musique, la grâce écorchée et les chansons éternelles continuent de paver la discographie de Sean Marshall après 27 ans de carrière et 11 albums, dont le tout dernier vient de paraître au mois de janvier, un disque de reprise comme elle l'avait déjà fait il y a 22 ans avec son 5e LP. Nous venons de quitter In Your Face, extrait du 10e et dernier album original paru en 2018 de Cat Power. Juste avant, nous sommes passés par un autre maître de son domaine, dont nous avons déjà parlé ici même lors de notre commémoration de 2021, puisqu'il y avait sorti deux albums, dont un magnifique en collaboration avec Angelo De Agostin. L'année précédente, en 2020, il a sorti un seul disque, mais qui faisait partie lui aussi de nos 5 meilleurs longs formats de cette année-là. Nous avons croisé Lamentations, extrait du 8e album de Sufjan Stevens. Et c'est avec cela que nous nous dirigeons de ce pas vers le finale de cet épisode de la MyFi. Nous clôturons notre triptyque sous le thème « Depuis que nous nous sommes quittés » avec ma médaille d'or des meilleurs albums de 2020, le beau Malam de l'année, un disque qui recèle de grandes petites chansons à l'intimité justement préservée pour en conférer toute la chaleur et la proximité, mené par le timbre blessé mais lumineux d'un artiste transsexuel non-binaire de 27 ans. Je vous laisse avec 1978, pièce extraite de Giver Taker, premier format de NG Mile. Rendez-vous la semaine prochaine exactement au même endroit pour la suite de nos aventures et le retour de notre course habituelle aux côtés de la plus belle actualité des musiques de notre époque. D'ici là, playlist et podcast sont disponibles sur le CISM893.ca, sur iTunes et sur le hifesoul.com. Mon nom est Zikia et c'était la MyFi sur les ondes de CISM. Bonne fin de semaine à tous. Bye. I was a little cross. I was a little cold. I was a little lost. Dead to me, truth be told. Dead to me, truth be told. Dead to me, truth is in the light. You're a miracle to behold, truly, in the night. It's a miracle to be held by you. What today can I make inside of my heart for you? Bold and bright, I could fall asleep in your love. Grace, give to me mother's trust. I've never seen her face, but I think she looks like us. I think she looks like us. I'm ashamed of the awful things I've done. gone as I thought. Oh God, I am loved. I am learning how to receive loving. Are you real? Are you something out of a dream? From me, bold and bright, I could fall asleep in your love.